Bonjour, bienvenue à cette conférence privée de Daniel du mois de juin 1992. Daniel, à la dernière conférence, nous avons pris un exemple d'un individu de 17 ans qui se faisait astreigner par l'astral. Je me rappelle pas de ça, moi. Bon, oui, OK. Et puis, si tu t'en rappelles pas, ça va être trop long. Je ne voudrais pas refaire la conférence. Télépathie des informations. Mais j'aimerais à ce qu'on continue dans la même ligne de pensée en prenant un autre individu, un autre cas de quelqu'un qui serait d'un autre taux vibratoire, un autre bagage d'informations. Si on prenait, par exemple, un homme, un individu de 27 ans. Bon, j'aimerais, avant de parler de cet individu que je ne connais pas encore, parler un peu plus de ce que c'est que le taux vibratoire. OK. Parce que ça revient souvent dans ton langage, dépendamment de son taux vibratoire, etc. Et c'est important que les gens comprennent bien que le mot taux vibratoire, enfin, ces deux mots-là, c'est des mots extrêmement intéressants. Le taux vibratoire d'une personne, c'est évidemment la quantité d'énergie disponible dans sa vie. Parce qu'une personne peut ramasser beaucoup d'énergie, mais avoir un taux vibratoire bas, c'est-à-dire que l'énergie ne circule pas. Et qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire? Dans un langage plus populaire, ça va être être positif. Quand tu es positif, quand tu es capable d'être positif, c'est parce que tu es dans l'énergie d'être positif. Donc, ton taux vibratoire est un peu plus haut et ça te permet de voir la vie d'une façon différente. Parce que ce n'est pas compris par l'intelligence, par la conscience d'un individu, parce qu'il est capable de voir la vie d'une façon différente, alors il va spiritualiser cela et il va appeler ça du positivisme. Alors, effectivement, en fonction du taux vibratoire, puis ça, le taux vibratoire, on devrait s'astreindre à le développer, à l'augmenter, à le maintenir régulièrement, tout le temps. Qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire? C'est une façon de faire circuler son énergie. Et ça, on n'a pas besoin, c'est un peu comme la digestion. Comment on fait pour digérer? Mange, puis ne sois pas stressé. Il y a des choses que tu dois ne pas faire pour que ça digère tout seul. Mais ne te demande pas comment faire en sorte de contracter ton estomac pour broyer les aliments, puis comment faire sécréter l'acide chlorhydrique, puis envoyer la bile, puis... Parce que là, évidemment, la digestion va devenir une chose, vous ne mangerez plus. Alors, c'est le même phénomène au niveau de comment faire circuler notre énergie, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne doit pas faire pour l'en empêcher, puis on ne doit pas se casser la tête pour savoir quoi faire pour qu'elle circule. Alors, ça veut dire que, et ça, on en a parlé souvent à travers les conférences, à travers les PMC+, on va y revenir progressivement aussi à travers ce qu'il faut faire pour se déconnecter de tous les problèmes qui sont reliés à nous, puis qui empêchent l'homme, la femme, l'enfant d'être à la hauteur de ce qu'il est du point de vue cosmique. Mais avoir un bon taux vibratoire, c'est donc être capable de mener sa vie. C'est sûr qu'on est manipulé, on va en reparler en masse, de quelle façon on se fait arnaquer, tout ça. Mais essayer de parvenir à mener sa vie de façon à libérer suffisamment d'énergie. Parce que quand on libère suffisamment d'énergie, non seulement on sort des structures astrales, donc spirituelles, mais en plus, c'est la seule façon de sortir du piège de la mentalisation, donc du piège du mental. Parce que l'individu qui mentalise uniquement est un individu extraordinairement malheureux et malheurisable. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne voit rien. Bon, tout ce qu'il va voir, il peut te le démolir. Il aura raison à travers ses mots. Vu qu'il n'accepte rien de neuf, nécessairement, il est fait. Alors, en augmentant son taux vibratoire, on traverse en même temps la sphère du mental, puis on arrive au niveau du plan de l'instantanéité, donc du supramental. Alors, effectivement, c'est important. Un individu qui a un taux vibratoire particulier va vivre une situation de telle façon. Un autre individu qui a un taux vibratoire différent va vivre la même situation d'une autre façon. Il faut faire attention, ça ne dépendra pas de votre éducation, ça ne dépendra pas de votre expérience, ça dépend uniquement de la façon dont vous percevez la vie, donc ça dépend uniquement de la façon dont vous percevez l'événement qui se pointe devant vous actuellement. Et dépendamment de la façon dont on perçoit l'événement, eh bien on aura une interprétation reliée à notre éducation ou à notre expérience qui sera différente. Alors l'individu qui a appris à être raciste, lorsqu'il a un taux vibratoire particulier, lorsqu'il va voir quelqu'un d'une autre ethnie, d'une autre race, il ne sera pas raciste, même si son éducation l'amène à être raciste, parce que ce qu'il perçoit à cause de son taux vibratoire le dissocie. Donc, ça l'amène à voir quelque chose qui ne viendra pas nourrir chez lui son éducation d'être raciste. Alors, il va être en amitié avec la personne, il va être en amour avec la personne, et subitement, quand il va revenir à un taux vibratoire conventionnel, il va découvrir que c'était un noir, ou c'était un jaune, ou c'était etc. Donc, le taux vibratoire, c'est quelque chose qu'on doit développer au-delà même de la rééducation de nos égos. Donc, on doit travailler à rééduquer nos égos parce que les égos travaillent contre nous. Sauf qu'on ne peut pas travailler à rééduquer l'ego si on n'a pas un taux vibratoire à une certaine hauteur, parce que sans cela, la vie, on la voit d'une façon qui va être médiocre, qui va être nécrosante, et on aura des problèmes. Alors, on revient encore à notre bonhomme qui est rendu à 27 ans. Je voudrais rester sur le taux vibratoire pour quelques temps. Oui, on est tous entendre nous autres. Est-ce que l'homme a pris corps physique uniquement pour hausser son taux vibratoire, hausser le taux vibratoire de la matière, pendant qu'il est dans la matière? Bon, oui et non. Ça dépend de ce que tu entends par homme. Est-ce que l'être qui a pris corps physique, l'ensemble, la multidimensionnalité de l'homme, toutes les dimensions de l'homme ont pris corps physique pour hausser le taux vibratoire de la matière? Oui, c'est autre chose. Pendant qu'ils sont dans la matière, c'est-à-dire. Oui, mais pas pour hausser leur taux vibratoire, pour hausser le taux vibratoire de la matière. Mais c'est ce qui engendre l'archétype spirituel qui amène l'humain à se missionner à travers quel que soit les temps, ou quelles que soient les races, quelles que soient les obédiences religieuses. C'est fondamentalement le rôle, un des rôles cosmiques, mais disons le rôle local de l'homme, le rôle cosmique local de l'homme, celui qui est le rôle près de du contexte planétaire, c'est d'augmenter le taux vibratoire de la mémoire. Donc, si on le définit en termes humains, d'augmenter le taux vibratoire de la matière, d'augmenter le taux vibratoire de la vie, d'augmenter le taux vibratoire de la pensée, d'augmenter le taux vibratoire du savoir. Donc, le rôle fondamental de l'homme, c'est d'augmenter le taux vibratoire de la mémoire, donc de la forme. La forme, ce n'est pas uniquement matériel. On a des formes au niveau psychologique. Alors, cela veut dire que parce que l'humain, spirituellement, parce que l'humain, il est mémoriellement au courant de ce qu'il est venu faire sur la planète, mais il ne comprend absolument rien de ce qu'il est venu faire, donc ne comprenant absolument rien de ce qu'il est venu faire, il va expliquer, suite à son intuition, ce que ça donne, l'intuition, donc il va inventer le mensonge, il va inventer les religions, les spiritualités, les sciences et ces choses-là. Et à travers cette explication-là de la perception qu'il a d'être venu énergiser la matière, il aura l'impression finalement que lui est de la matière, donc que Dieu vient l'énergiser lui, ou que lui est un Dieu et que lui vient donc sauver la matière. Sauver la matière veut dire sauver la forme, la mémoire, donc sauver les autres, c'est pas long que l'humain se missionne. Alors l'être vient énergiser la matière, puis nous on est de la matière en communication avec l'être, quand on parle d'ego, ou sinon nous on est de l'être en communication avec de la matière par le biais d'un ego. OK. Est-ce que il y a d'autres rôles, d'autres fonctions que d'élever le taux vibratoire lorsqu'il vient sur Bon, du point de vue local, du point de vue univers local, non. Maintenant, si on, du point de vue univers nombritique, parce que tu prends pas le nombre du monde, là, plus restreint encore dans un microcosme, dans la vision locale du rôle de l'âme, là, oui, il y a d'autres fonctions. Bon. Donne-moi un exemple de ce que c'est que tu bon, veux dire. Là. Mais bon, le rôle fondamental de l'homme au niveau local, c'est d'augmenter le taux vibratoire de la mémoire, donc de la forme. Ça comprend les humains, ça comprend la matière, ça comprend tout ça. Maintenant, pour augmenter, tous les rôles qui vont suivre, donc les rôles plus près de nous, sont des rôles qui amènent la matière à être augmentée en énergie. Donc, on aura le rôle d'être pédagogue, on aura le rôle de, et c'est d'ailleurs pourquoi on meurt, pour avoir des enfants, de façon à les éduquer, de façon à augmenter le taux vibratoire de la forme. On aura des rôles de ce genre-là, le rôle, par exemple, de préserver l'intégrité esthétique de l'humanité, ça augmente le taux vibratoire. On aura le rôle de la communication des phénomènes spirituels, ça augmente le taux vibratoire. On aura le rôle d'écologiser les consciences, ça augmente le taux vibratoire. C'est uniquement, tous les rôles qui vont suivre, c'est le rôle du Mahatma Gandhi, augmenter le taux vibratoire du peuple. Le rôle de Bouddha, augmenter le taux vibratoire de la masse. Le rôle du Nazaréen, là, on parle d'un rôle nombritique. Le rôle du Nazaréen, augmenter le taux vibratoire de la masse. Le rôle des scientifiques, augmenter le taux vibratoire de la matière. Et etc., etc. Ça reste des rôles qui, de toute façon, sont reliés au rôle local principal, celui d'augmenter le taux vibratoire de la mémoire. Ce taux vibratoire-là se hausse avec la souffrance principalement. Pas tout à fait. La souffrance, c'est le résultat exprimé du fait que l'être humain hausse son taux vibratoire sans hausser le taux vibratoire de l'extérieur. La souffrance, c'est une résistance au changement. Chaque fois que tu hausses ton taux vibratoire, donc, ou une partie du taux vibratoire de ce que tu es toi, il y a souffrance parce que le reste n'a pas été haussé. Bon, alors la souffrance, c'est simplement la résultante externe, c'est une expression du fait que tout n'a pas été haussé en même temps. À la dernière conférence ou l'autre avant, je ne me souviens pas, on a parlé que la souffrance créait un champ électromagnétique qui travaillait à l'intérieur du père-esprit de l'âme. Oui, mais c'est pas le rôle de la souffrance. C'est pas le rôle de la souffrance de le faire. La souffrance, on sait que ça l'amène à l'écœurement. Puis l'écœurement, c'est la friction entre ce que tu es puis le reste, donc ce que tu n'es pas. Alors, l'une des mécaniques, parce que si on pose la question, comment la souffrance fait-elle pour nous être utile? Elle le fait comme j'avais dit, donc comme tu viens de dire. Maintenant, quel est le rôle fondamental au niveau cosmique de la souffrance? Parce que si on regarde encore le rôle fondamental de la souffrance du point de vue humain, ça sera de forcer l'humain à avancer. Mais le rôle de la souffrance du point de vue cosmique, il n'y en a pas. Par mécanique, ça fait qu'il se passe de quoi? Mais la souffrance du point de vue absolu, c'est simplement la résultante du fait que tu n'avances pas. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi l'intelligence, souvent, ne se sent pas trop concernée par la souffrance humaine. Ouais, moi, je parle du point de vue, pas du point de vue de ceux qui en sont complètement détachés, mais du point de vue de celui qui les vit, la souffrance. Bon, bien, sa souffrance, ça reste quand même, c'est important de comprendre que la souffrance, c'est une expression résiduelle du fait qu'on n'a pas travaillé complètement. Pas comme il faut, mais pas complètement. De ce fait, la souffrance, elle va servir l'individu à avancer parce qu'elle lui sert simplement d'aiguille pour lui dire bon, pas bon, bon, pas bon. Alors, quand il souffre, c'est pas bon. Fait que là, il sait qu'il doit faire quelque chose. Quand c'est bon, bien là, il est content. Mais depuis que le monde est monde qu'on connaît, si on remonte en arrière, la souffrance a toujours régné en maître sur la planète. Absolument, parce que l'humain avance un point puis il ne touche pas au reste. Donc, la souffrance. Ne fais pas le ménage de ta maison, c'est pas pire. Comment quelqu'un rentre, fait le ménage d'une pièce. Là, quand tu vois la pièce, tellement elle est belle, quand tu sors, tu vois le reste, t'es malheureux. Si on n'avait rien touché, pas de problème. Si on a tout changé, pas de problème. Si on a changé un peu, il y aura souffrance. Cette souffrance-là, elle va t'obliger à détruire la pièce qui est belle ou à mettre les autres pièces convenables. Évidemment, parce que l'humain s'adapte, progressivement, tu t'habitueras à avoir une pièce belle et une maison sale. Mais il y aura eu souffrance quand même entre-temps. Alors, la souffrance, ça devient un moteur chez l'humain tant que l'humain n'a pas de conscience. Quand l'humain est rendu conscient, ce qui est le cas de plusieurs ici, la souffrance doit cesser. Oui, elle doit cesser, mais elle n'est pas appliquée et applicable présentement sur la planète. Le fait qu'elle doit cesser? Le fait qu'elle a cessé et que l'individu continue à avancer. Non, elle n'a pas cessé encore, mais elle doit cesser. C'est ça. Oui, évidemment qu'elle doit cesser parce qu'on en a tous ras-le-bol, surtout lorsqu'on le découvre. C'est pas pour ça qu'elle doit cesser. Mais... pas parce qu'on a ras-le-bol. Parce qu'elle s'en fout. Oui, elle s'en fout. Mais celui qui en aura le bol quand même, Daniel, il en aura le bol, puis à un moment donné, il va faire quelque chose pour que... quelque chose-là va faire en sorte que la souffrance va cesser s'il le fait convenablement. Puis à un moment donné, c'est évident qu'il faudra en parler un peu. Mais le fait que la souffrance va cesser dans le contexte planétaire chez les conscientisés ne dépendra pas des conscientisés, ça va dépendre des antennes. Les gens sont obligés de Mais les antennes ont souffert énormément pour que... Plusieurs ont souffert énormément, d'autres ont souffert. Il y en a quelques-unes qui ont souffert. Qui ont souffert. C'est arrivé sur la planète présentement qu'il y en a qui ont souffert, qui n'ont pas souffert les souffrances des initiés par le passé. Absolument. Est-ce qu'ils ont atteint les mêmes niveaux que... Ah, absolument. Est-ce qu'ils sont dans des corps physiques présentement? Oui, absolument. Ouais. Couché. Oh oui. Qu'est-ce qu'ils font pour l'homme, eux? Qu'est-ce qu'ils font pour l'homme? S'ils ont atteint ce point-là sans souffrir, là, qu'est-ce qu'ils font pour l'homme? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ils n'ont pas atteint ce point-là sans souffrir. Ils ont atteint ce point-là sans souffrir la souffrance de l'initié. Il y a des souffrances résiduelles, des souffrances génétiques, les souffrances mémorielles, les souffrances des parents. Parce que t'as beau être un initiable, si ton père ou ta mère te donne une volée quand t'as 5 ans, tu souffres. Mais c'est pas une souffrance d'initié, ça, là. Non. Une souffrance de terrien. Alors, ils ont souffert. Mais ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas vécu des souffrances des initiés. Ce que plusieurs ont vécu dans le passé, comme actuellement, il y a quelques rares initiés qui sont passés au comptoir. Ils sont passés au comptant, on dit au cash, mais OK. Bon. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour l'homme, ceux qui sont parvenus là? Oui. S'ils ont pu faire ça pour eux, que font-ils pour que l'homme en arrive à faire la même chose que eux? Parce qu'ils se doivent, si c'est réel ce que tu dis, c'est une obligation pour celui qui a atteint ce point-là de compenser à quelque part vis-à-vis l'homme. Il faudrait qu'il se sente coupable de ne pas avoir passé par le moulinet. Non, ça faut... non, c'est pas pour ça. Et pour comprendre. C'est pour l'initié. Bon, là, tu me fais penser à un terrien qui dit à son Dieu, « Écoute, toi, t'es correct, là. Bon, ben tu vas payer le prix, puis là, tu vas venir nous aider. » Non, c'est pas dans ce sens-là, Daniel. Mais il y a un peu, peut-être, de ça, mais c'est pas tout à fait ça. Mais l'initié... L'initié s'est servi de l'homme pour s'initier. Oui, mais l'homme s'est Se servant de l'homme pour s'initier, il doit balancer s'il est réellement initié. Autrement, c'est pas un initié, dans mes mots. C'est ça. C'est comme Dieu, là, il m'amène des millions de dollars, sinon c'est pas Dieu. J'ai rien contre, c'est un très bon point de vue. Maintenant, l'initié se sert de l'homme autant que l'homme se sert de l'initié. Puis autant l'initié a grimpé sur le dos de l'homme, autant l'homme s'est accroché à ses culottes pour l'empêcher de monter. Fait, finalement, si l'initié est parvenu à être en haut, il est monté très vite parce que l'homme, un jour, l'a lâché. Mais c'est pas grâce à l'homme. Donc, il n'y a pas de redevance à l'homme. Maintenant, sois content et trouve-toi chanceux. L'initié ne peut pas monter plus haut s'il ne fait pas un travail humain avant. Absolument. OK? Absolument. C'est ouais. Absolument de contentement et d'espoir, mais pas un absolument de logique. Bien, ça, c'est ce que tu peux peut-être... Je ne vais pas juger de ce que je dis, là, quand je le dis. Mais, OK, continue. Bon. Alors, l'initié qui... De toute façon, l'initié l'initié qui n'a pas souffert, tu dis qu'il y a une redevance. Bon, à l'homme. OK, excuse. Quand l'initié tu parles d'initié, là... OK, établissons une chose. Quand tu parles d'initié, parles-tu des maîtres du monde, là? Parles-tu des immortels? Parles-tu de quelqu'un qui est venu sur la planète et qui a fabriqué son corps physique lui-même? Non. Tu parles de quelqu'un qui a passé par... Qui est passé à travers le règne de l'humain, etc., qui s'est initié et qui est parvenu... Dans quel siècle que c'est arrivé, ça, sans qu'il souffre? Sans qu'il souffre, c'est arrivé dans le 20e siècle. Ouais. C'est moi? J'ai pas souffert! Dans le passé, je dis pas. J'ai pas souffert ici. J'ai souffert de ma mère, de mon père, de mon frère. Mais j'ai pas souffert d'initiation. Alors moi, toi, tu me dis que je dois à l'humain. Je n'ai assez de dans le passé. Mais je vais t'expliquer maintenant le rôle de l'initié qui est parvenu à s'en souffrir. Ouais. Sans souffrir l'initiation. Ouais. Parce que tu me connais, tu en connais d'autres personnages qui ont réussi à monter, puis leur vie ma vie est totalement différente. Moi, je suis pas souffert. Je peux détruire tout de suite tout ce que tu as dit tantôt. Quand tu disais que c'était pas nécessaire de rien faire pour les autres, juste donner conférence, parler, amener une nouvelle vibration, c'est déjà quelque chose. Oui, mais pour c'est payer pas le prix, pour, c'est pas payer, pour balancer. Non plus. C'est pour continuer. C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure que l'initié... Ouais, ça continue en même temps, mais il faut que ça soit balancé. Non, ça quelque balance part. En même temps, mais ou ça continue. Ça balance, ok, oui. Que un soit avant l'autre, c'est pas important, autant que les deux... Il n'y a pas de balancement. Maintenant, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on peut se poser la question, parce que c'est important de la façon dont on jase présentement, parce qu'on est sur deux points de vue, un qui est totalement spirituel, humain, puis l'autre qui est au niveau plutôt mental ou supramental. Puis, de toute façon, au niveau de la résultante, ce sera la même chose. C'est pourquoi tu peux dire, « Ouais, mais j'ai aussi raison que toi. » Oui, c'est vrai. Mais en réalité, tu as tort, j'ai raison, puis j'ai raison aussi, puis on a raison tous les deux, sauf que j'ai ma raison. Puis, il faut croire que tu as ta raison. Amène-la ta raison. Oui, qu'on la comprenne comme il faut. Il y a une divergence, à un moment donné, entre ta raison et ma raison, ça va être celle-ci. Un, je ne me sens pas coupable. Donc, l'initié ne se sentira pas coupable. Ce qui fait qu'on aura beau dire qu'il doit ci, qu'il doit ça, ça ne fait pas partie de sa logique ou de son intelligence, il ne faut pas. Par contre, le problème... Je me suis très mal expliqué, Daniel, si j'ai impliqué qu'il fallait que l'initié, par culte parce qu'il se sent coupable, doit balancer. C'est pas ça que j'ai voulu dire du tout. Je me suis mal expliqué. Si c'est ça qui a été exprimé, c'est pas ça que je voulais dire. Maintenant, ce qui est par mécanique. OK, mais par mécanique même pas. Comme ça s'est fait dans le passé. Oui, mais non. Dans l'ère nouvelle, le passé, il meurt, il change complètement. Puis ce qui va se faire dans l'ère nouvelle, ça ne sera absolument pas comme dans le passé. Et c'est d'ailleurs le problème présentement de tous les gens qui sont en transition, c'est que la majorité des gens sont trop assujettis encore à la compréhension et à la connaissance des lois du passé. Puis ils essaient de vivre d'une mécanique, des parties de conscience de l'être, veulent vivre dans l'ère nouvelle. Puis tout le mélange, soit complet, fait qu'ils deviennent transitifs, c'est-à-dire rejetés par les deux clans. Bon, tirer d'un bord puis de l'autre. L'être, puis l'initié, donc, qui parvient, je ne serai pas le seul, là, mais je suis présentement là, mais l'initié qui parvient être, donc, qui parvient à son état d'initiation sans passer par la souffrance de l'initié, donc sans passer par les chocs, sans passer par les craintes. Parce que moi, il y a des questions que jamais je ne poserai, que je ne dirai pas, parce que les gens paniqueraient immédiatement juste à les avoir dans leur tête. Ça ne me dérange pas. Bon, tout ce que les gens se posent comme question, ça fait longtemps que moi j'ai fait ça, j'avais déjà, en tout cas, j'ai tiré ma sauce grande même, j'ai 3 ans, bon. Et puis, je ne souffre pas de ça. Je n'ai jamais souffert. Chaque fois que moi je découvre que je me suis fait avoir, ça me fait rire, j'ai un plaisir fou. Alors c'est différent, je ne souffre pas. Puis là, le psychologue véreux, c'est justement, le psychologue véreux, voilà, pourrait faire comme tu viens de faire. Bon, le rôle de l'initié, la question avant, l'initié qui a souffert énormément, lui, est-ce qu'il y a une redevance à l'homme? Non, c'est pas dans ce sens-là, Daniel. Okay. C'est dans le sens mécanique. J'espère qu'il y a une mécanique qui fait... L'intelligence a fait en sorte que le Nazaréen a souffert. Ça n'a pas de logique. Mais il a souffert. Oui. Saint-Germain, il a souffert énormément. Ils ont tous souffert, le maître du monde. Ben oui. Que ce soit un initié qui a passé par l'astral pour vivre de son frère pendant des années, l'initiation ou qui a passé directement au feu, il a souffert. Ah oui. La souffrance a servi à hausser le taux vibratoire dans le passé. C'est une bonne raison d'hausser son taux vibratoire quand on souffre, hein? Parce qu'à un moment donné, on aura le bol de souffrir. La seule façon de s'en sortir, c'est de s'arrêter son camp. C'est à peu près comme le rocket, qui n'est pas le rocket, mais la fusée qui décolle, ce qui la propulse. Ça veut en bas, ça ne veut pas sauter là et mieux en aller. Mais c'est à peu près... C'est une philosophie scientifique nouvelle. La fusée décolle uniquement parce qu'il fait trop chaud à terre. Non, c'est ça, mais c'est une bonne théorie. Ouais. Non, oui, c'est la même. Mais ce qui est important de comprendre, donc, c'est que le rôle de celui qui parvient à l'état d'initié est un rôle qui doit être compris en fonction du mental et non pas en fonction de la spiritualité, donc de l'astral. Et ce que je veux dire là est important. Pourquoi? Parce que ça n'explique pas uniquement ma fonction, ça explique la fonction de l'intelligence, puis ça explique aussi pourquoi l'intelligence souvent ne semble pas venir aider un tel plus directement, ou toi. À un moment donné, on se dit, écoute, là, etc., là, je vais prendre tes mots, je te laisse ça, j'en ai ras-le-bol, et patati patata, l'intelligence semble passer par-dessus toi, puis s'en aller carrément ailleurs, là, où ce que tu vois vraiment pas ce qu'elle va faire. Il faut comprendre, donc, que le rôle de l'initié ou le rôle de l'intelligence, dans le contexte actuel, c'est de régler la problématique planétaire, puis pour régler la problématique planétaire, l'intelligence ou l'initié, qui est parvenu à l'état d'initié avec souffrance ou sans souffrance, donc je ne suis pas le seul à faire le travail, mais celui qui est arrivé là en rien, là, je suis le premier puis je suis le seul présentement. Bon. Alors, les initiés, toi, tu en ris beaucoup, toi, mais tu en ris jaune. Les initiés ont comme fonction, donc, d'altérer les mécaniques qui permettent à l'astral d'influencer l'humain. Hein? Toi, si on aurait un tableau ici au milieu, là, je t'écrirais tout ça, mais il n'est pas au milieu. Bon. Parce que je suis certain que tu vas vouloir revenir sur ça pour m'obstiner quelque part. Alors, je vais les noter. Comme ça, tu ne pourras pas dire j'ai dit ceci, j'ai dit cela, puis moi, m'obstiner l'inverse. Bon. Un, qu'est-ce que j'ai dit? Pas de mémoire, moi, là. Moi, je me souviens pas, Daniel, je suis initié. La première chose, donc, c'est de corriger. On va prendre le terme corriger, c'est très bon. De corriger les mécaniques qui assujettissent, qui manipulent l'humain. Et c'est pas de toute façon de revenir, qui manipulent l'humain. Première fonction de l'initié actuellement, c'est de corriger les mécanismes qui manipulent l'humain. OK. Bon. Peux-tu arrêter là? Non, c'est pas le choix. C'est la première fonction de l'initié maintenant. Maintenant. C'est la première fois que ça se fait sur la planète. Oui. Ça ne s'est jamais fait avant. Non. Pour quelle raison? On s'est toujours servi des mécaniques dans l'Antiquité. Oui. Là, on va corriger les mécaniques, on va les changer. OK? Oui. Juste pour qu'on comprenne bien, les anciens initiés se servaient des prophéties. Ils servaient des habitudes astrales des individus. Ils ajustaient leur communication en fonction des besoins émotivo-psychologiques des individus. Ils s'ajustaient théologiquement. Donc, ils n'ont pas corrigé. Même le Nazaréen, qui lui, c'est l'ultime, lui a dit qu'il ne changeait pas, mais qu'il était pour parfaire. Mais actuellement, les êtres initiés vont changer les mécaniques, vont corriger les mécaniques. OK. Dans le passé, je suis obligé de revenir dans le passé. Oui, ça, je suis habitué. Oui, mais c'est nécessaire, Daniel, absolument, pour exprimer qu'est-ce que c'est que je veux exprimer. Je suis habitué quand même. Ça fait peut-être pas... Je comprends que la vie se doit de s'engendrer, jamais aller dans le passé. Mais pour arriver à expliquer des choses, il faut aller dans le passé. Dans le passé, c'est la souffrance qui a fait avancer l'homme. Absolument. Il y a des individus qui, énergétiquement, ont été... chercher ça clairement avec le 2000 ans. Oui, souffrance, je l'écris si continue. Les moteurs. C'est ça. Les moteurs, c'était la souffrance parce que finalement, l'humain, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé ses vies, il évolue uniquement pour ça, il a passé ses vies à tout faire pour fuir la souffrance, puis deux, rechercher le plaisir. Ça, c'est la vie de l'homme depuis le début des temps jusqu'à maintenant, incluant suite. Sa nature était le poussé vers ça. Mais c'est pas tout le monde qui allait vers le plaisir. Non, mais on recherchait, oui, tout le monde allait vers le plaisir. Maintenant, il faut s'entendre par plaisir. Plaisir spirituel, plaisir okay. Bien-être, c'est la même chose. Là, OK. Bon. OK. Il y a 2000 ans ou 3000 ans, il y a eu des individus qui ont pris connaissance que la souffrance était la seule chose à ce moment-là qui faisait avancer l'homme, qui faisait hausser le taux vibratoire de l'homme. Exact. D'ailleurs, les moines, les religieux s'en sont servis, qui aiment bien, châtient bien. Oui. Mais si on va à un niveau vibratoire plus avancé, on s'aperçoit que les maîtres du monde se sont groupés, il y a eu une formation de maîtres du monde. Et eux ont eu et ont, selon moi, la clé pour enlever la souffrance sur la planète Terre. Et puis, ils ne l'ont pas fait à date, mais ils l'ont, la clé. Ils ne peuvent pas le faire. Ils savent pour quelle raison. Il y en a d'autres qui ont passé avant toi. Toi, t'as un taux vibratoire au-delà de l'astral, divulgue tout ce que les maîtres du monde ont fait et font sur la planète, et la souffrance de l'homme va s'amenuiser, va baisser énormément. Mais là, on va amener comme raison que si on applique cela, la souffrance ne pourra plus faire avancer l'homme. C'est vrai. C'est un bon argument que tu détestes. Présentement, non. Je peux juste l'amener. Parce que les clés sont là. C'est pas à petite dose comme tu le donnes, Daniel. Ça peut aider ici, un petit peu. Mais c'est pas ça qu'on divulgue. Si tu dis que la souffrance est finie sur la planète pour que l'homme avance, elle n'est plus nécessaire. Moi, le premier, je vais t'approuver, parce que depuis, je suis haut de même que j'haïs la souffrance. Sans l'avoir connue, je l'haïssais, la souffrance, énormément. J'ai toujours... Oui. Oui. Oui, c'était là. Je ne suis pas gêné, il n'y a pas d'honte là-dedans. Là, c'était là. Ah, là, pas besoin d'être gêné, non. Mais pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas? Parce que c'est là qu'est la clé, selon moi. Ou si c'est pas là qu'est la clé, Daniel, comme la semaine passée, quand on a commencé, tu dis ça brasse en haut, faudrait être plus discret, faudrait arrêter. Mais c'est ça... que si ces choses-là sont divulguées, que réellement, la souffrance va diminuer sur la planète, la souffrance qui fait hausser le taux vibratoire sur la planète, puis eux, ils n'auront plus les outils pour faire hausser le taux vibratoire. Puis leur rôle, c'est de faire hausser leur taux vibratoire en faisant en sorte que l'homme mange de la merde, ou appelez comme tu voudras, qu'il souffre suffisamment pour hausser son taux vibratoire. Le terme était correct. Bon. C'est... Il aurait fallu que tu me laisses répondre quelque part. Il faudrait que tu refasses cette lancée-là à un moment donné, avec les mêmes exigences, et probablement que je pourrais t'en parler plein. C'est évident que les maîtres du monde ont la clé, ou les clés. C'est évident qu'ils ne peuvent pas s'en servir, et non pas qu'ils ne doivent pas, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Okay. Toi, peux-tu t'en servir? Moi, je pourrais m'en servir un peu si je voudrais, si j'avais un support. Mais j'ai l'impression que je vais être arrêté, ils ne me laisseront pas le faire. Les maîtres, non, ils ne te laisseront pas faire. Non. Non. Parce que la souffrance est encore nécessaire. C'est ça. Alors, pour eux, selon leur vision. Mais ils ont tort. Qui a la puissance entre ses mains? Les maîtres du monde ou les hommes qui commencent à être conscients sur la planète? Présentement, parce que tu poses trop de questions, mais... Oui. Exactly. Parce que je peux te répondre, mais je ne veux pas répondre de façon à fausser les réponses. Alors, je peux répondre comme ça, mais si c'est faux, tu rectifieras. D'accord? Les maîtres du monde ont les clés, les maîtres du monde ne peuvent rien faire, puis ce n'est pas encore les individus qui sont en train de se conscientiser qui pourront le faire, mais c'est évident que les initiés sont en train présentement de communication entre les structures des maîtres du monde, l'homme puis l'astral. Donc, présentement, les structures sont en train d'être changées. Maintenant, on peut parler de comment ça se fait, c'est intéressant, puis énergétiquement, ça instaure aussi des chemins. Mais présentement, c'est en train d'être fait, c'est-à-dire qu'il y a des individus dont je suis qui ont présentement la force énergétique, qu'ils ont les clés, ils ont le savoir, pour changer les mécaniques, pour corriger la mécanique d'information de l'homme sur le contexte planétaire. Maintenant, ce que tu veux savoir, c'est que moi, je suis extrêmement jeune, puis les autres initiés, on peut s'entendre avec le lait, là, mais en tout cas, autres initiés, on ne sait pas si c'est un lait ou un L apostrophe, en tout cas, autres initiés, il est aussi jeune, mais un peu plus âgé. Moi, je parle au niveau d'une chronométrie énergétique. Bon. Par contre, ma vitesse de croisière est énorme, mais les choses, je sais, on vit encore sur le fait, le temps, etc., quand c'est pas le temps, je sais que c'est le temps, et puis moi, j'attends. J'attends quoi? J'attends simplement que... J'attends le camion-citerne de carburant. Ce camion-citerne de carburant-là, je le recherche depuis 1984. Et puis, la seule façon de le rencontrer, c'est de m'arranger pour qu'on me pose des questions. C'est la seule façon de rencontrer des gens solides pour me poser des questions, c'est en faisant des conférences. Alors, tu peux être le camion citerne en question. Maintenant, il faut s'espérer qu'il n'y aura pas de terroristes avec quoi. Parce que faire sauter un camion citerne, il ne reste plus grand-chose du camion après. Arrange-toi pour ne pas être alentour. Toi non plus. Surtout, c'était le camion. Arrange-toi pour pas être alentour de moi. Bon. Corriger les mécaniques. Bon, pourquoi je ris simplement, c'est que je suis dans une effervescence énergétique intéressante. Tu vois, moi, je ne souffre pas, moi, d'avancer. Moi, je m'amuse. Et tout ce que tu as dit tout à l'heure, tu en as trop dit. Moi, personnellement, j'ai appris plein de choses pendant que tu disais ça. Hein, je ne sais pas pour vous, là. Mais moi, ça, l'information, j'en ai. C'est ordinaire. Bon, ben, amène-la. Mais maintenant, pose-moi des questions sélectives, parce que j'en ai trop. OK. On en revient à la question clé. La souffrance, on en aura le bol. OK, on va quand même revenir à la même place. En tout cas, la souffrance, il y en a qui en auront le bol. Oui. Au moins d'accord là-dessus. Oui, en fait. Absolument. Les maîtres du monde ont les clés. Les maîtres du monde se servent uniquement de la souffrance pour rosser l'auto-vibratoire de l'humanité. Donc, puis quand on parle des maîtres du monde, ils ne s'occupent pas de madame ou de monsieur, ils s'occupent de l'astral en général, puis l'astral en général s'occupe des religions en général, puis des égrégores familiaux, politiques, etc. Puis ça finit par faire en sorte qu'on s'occupe de monsieur et madame en local. Est-ce qu'on peut dire qu'ils utilisent les taux vibratoires des égrégores astraux pour uniquement faire tout le travail? Okay. Ça, c'est la mécanique qu'on est en train de changer en haut. Mais c'est uniquement par là que ça se passe. Parce que le maître du monde ne vient pas voir quelqu'un pour lui dire, écoute, à 5 milliards, 400 millions d'humains, les maîtres du monde ont d'autres choses à faire. Alors, il s'occupe de l'astral en général. L'astral en général, bien coordonné, ça fait en sorte que la majorité des masses vont nourrir les visions astrales des maîtres du monde, puis ça continue en créant des cercles vicieux qui font que l'humain n'arrive pas à s'en sortir, que l'humain reste assujetti à l'idée que plus il souffre ici, plus il va s'en sortir après. Dans la majorité des philosophies religieuses, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais pas dans les conscientisés. Pas dans, non, ceux pas dans qui les conscientisés. Mais leur ego reste assujetti à l'idée du mérite, l'évolution méritoire. Plus ils vont souffrir ici, plus ils vont s'en sortir. On parle au niveau de l'ego. Puis là, ce qui est intéressant dans ce que tu amènes, c'est qu'il y a une scission qui se fait entre la tête et le cœur à un moment donné, une scission essentielle. C'est sûr qu'il devrait y avoir une fusion au niveau du contrôle entre la tête et le cœur, avoir une tête avec du cœur, une intelligence qui a du cœur ou un cœur intelligent. Mais au niveau de la vision des choses, on doit changer. Alors, il vient un moment donné où l'ego est assujetti aux mécaniques archangéliques, les mécaniques grégaires, les mécaniques de troupeaux dirigées par les maîtres du monde. Donc, l'ego est assujetti à vivre la souffrance, puis à vivre le désespoir, puis l'espoir, puis etc. Alors que la tête, qui commence, elle, à être en contact avec le phénomène supramental, goûte à un autre monde. Et la tête n'a plus besoin, elle, de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle a maintenant des raisons énergético-intelligentes pour continuer son ascension. Mais la problématique, c'est que la personne étant en transition, et parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne change pas complètement d'un coup, ça vient. Donc, traditionnellement, on dit que ça se peut. Parce que c'est vrai que ça se peut. C'est jamais arrivé. Ça se peut. Bon, alors la mutation immédiate d'un tas de chair humaine en floum énergétique, ça se peut. C'est jamais arrivé, ça se peut. Bon. Et puis, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu va donc rester assujetti du point de vue de son astralité, du point de vue de ses corps réincarnationnels, ça veut dire le mental, l'astral, le vital et le physique, aux mécaniques archangéliques. Donc, tu continues à souffrir, tu continues à manger de ce que tu disais tout à l'heure, alors que pendant ce temps-là, ta tête vit déjà dans un taux vibratoire différent. Et où il y a le gros problème chez l'homme, et c'est pourquoi l'être humain doit faire un effort magistral pour pratiquer des techniques puis engendrer un entraînement planétaire de façon à terrestrifier son intelligence pour que celle-ci, par le biais du mental, devienne le maître contrôleur de son système de vie. Tant que ce n'est pas fait, l'humain reste assujetti à la souffrance externe et à la visualisation intelligente ou, disons, supramentale d'un autre monde. Ce que je veux dire, c'est ceci. Lorsque l'individu se connecte très fortement à son intelligence, la majorité des individus, des personnes, lorsqu'elles sont capables de paradisier leur corps astral, leur corps vital, leur corps physique et leur corps mental, c'est-à-dire que lorsque l'individu est capable de retrouver le taux vibratoire qui prévalait dans l'astral à sa naissance, au niveau horoscopique, l'individu est bien, l'individu est parfait. Là, le problème, c'est qu'un individu qui est centré comme ça, parce que là, ses corps sont parfaitement centrés, c'est exactement ce qu'il fallait, là, ça ressemble à un individu que tu as déjà connu, qui s'appelait Jésus, dans la philosophie, parce que Jésus, à l'époque, a été centré. Ça ressemble aux personnages, un peu comme Gandhi, ça ressemble à des personnages qui sont un peu hagards, puis ils se promènent, puis ils sont bien, puis ils te donnent une claque dans le visage, puis ils sourient encore, puis ils ne sont pas trop là. Ces individus-là ont un problème majeur, c'est que le mental n'est pas capable de faire en sorte que leurs véhicules planétaires deviennent efficaces dans une ascension planétaire. Donc, si tu veux les tuer, tu les assassines facilement. Si tu veux les crucifier, tu les crucifies, ils sont heureux. Tu veux les brûler, tes incendies, puis ils sont là, puis ils chantent pendant ce temps-là, puis ça va bien. Mais une problématique, c'est que quand l'individu a la capacité de paradisier ses quatre corps planétaires, il n'est plus efficace planétairement. Bon, n'étant plus efficace planétairement, son ascension l'arrête là. Mais du point de vue spirituel, évidemment, c'est extrêmement intéressant de voir un individu comme ça, que tu peux bûcher tant que tu veux si tu es un bûcheur, ou que tu peux souffrir pour lui si tu es un spirituel, alors que lui, il ne souffre pas. Mais c'est idiot. Mais c'est toujours ce qui s'est passé dans le passé. La souffrance reste donc essentielle. L'individu ne souffre plus. L'individu ne vit plus l'ascension. La personne qui est capable de se... Donc, la personne qui se centre non seulement dans ses corps planétaires, mais qui est capable d'arriver à une certaine centricité, hein, médium, moyenne, de son intelligence, cet individu-là doit pratiquer des techniques de mouvement du corps. Donc, il doit pratiquer ce que je dis souvent, c'est de prendre son corps et de bouger. Tabarnak. Il faut mettre le mot. Il faut que l'individu finisse par le faire. Tant que l'individu n'arrive pas à appliquer, à pratiquer cette technique-là, le gros problème, c'est que notre individu reste assujetti soit à être un bonhomme hagard, soit à être un grand maître sage, philosophe que tu peux voler, etc. Parce que ces maîtres-là, c'est des maîtres extraordinaires. Vous rencontrez un maître comme ça, vous y volez tout l'argent qu'il a, puis il n'en souffre pas. Mais le monde spirituellement trouve ça génial. Hein? Il y en a un, là, sa maison passe au feu. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Enfin, je peux contempler la lune ». Sacre bleu. Moi, quand je vais contempler la lune, je sors dehors. Je ne mets pas le feu à ma maison. Mais chacun sa philosophie. L'individu qui a la capacité de pratiquer la centricité de son intelligence à travers la centricité de ses corps, non seulement se détache complètement de la souffrance, comme d'ailleurs l'est détaché le maître Hagard, hein? Il est détaché de la souffrance, ce bonhomme-là. C'est facile pour lui de dire, écoute, c'est pas grave, si tu as volé ton manteau, donne-y tes culottes. C'est tout vrai. La matière n'a pas d'importance, c'est tout vrai. C'est tout vrai, cela. Tu viens de perdre tes enfants d'un accident. C'est pas grave. Et c'est tout vrai. Puis le bonhomme n'en souffre pas. Lui, là, il ne souffre plus. Il est perdu complet, puis il est bien heureux là-dedans. Bon. Sauf que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, donc, il faut pratiquer absolument la descente de notre intelligence là-dedans. Non seulement en s'entrant des corps planétaires, on ne souffre plus, mais on est capable de traverser et de redevenir efficace. Ça veut dire que tu es capable de devenir un être riche matériellement, temporellement, tu es capable d'avoir le temps, tu es capable d'avoir la santé, tu es capable d'avoir la matière, tout en étant un être qui ne souffre pas pour aller chercher ça, et qui ne souffre pas s'il en perd, parce que de toute façon, il n'en perdra pas. Mais pour ça, il faut absolument que tu sentes ton intelligence à travers les quatre corps planétaires. Sans ça, il n'y a rien à faire. Puis toutes les techniques archaïques, toutes les techniques du passé sont des techniques qui amènent l'humain à centrer ses corps planétaires. Que ce soit le yoga, le raja yoga, le tantrisme, les religions, etc. Les Ariens, faisais-tu des techniques comme ça? Oui. Saint-Germain? Ben oui, Saint-Germain. Complètement. Puis, d'ailleurs, il était occupé énormément à faire ça. Au niveau sexuel, au niveau alchimique, puis au niveau astral. Est-ce que l'homme immortel peut souffrir encore? En dehors de son corps physique? Dans son corps physique? Non plus. Sauf que tant que l'être humain... Il faut s'entendre. L'être humain immortel, complété, ne souffre plus. OK. Est-ce que... Donne-moi un exemple d'un être humain immortel complété. Il n'y en a pas. OK. Des exemples d'êtres humains immortels pour compléter, ça, il y en a. OK. Donne-moi ça. Il y a moi. Et puis, il y a d'autres personnes que tu connais, que ça vaut pas la peine de parler, parce que ça crée des, okay. des confusions astrales. Mais en vois-tu, là, ces confusions-là... Je l'ai dit, d'abord. Peuvent enlever la souffrance, selon moi. Les confusions astrales? Pas les confusions, mais c'est un pas pour divulguer ce qui est utilisé pour contrôler les différents niveaux astraux qui, premièrement, si on va plus loin que ça, Daniel, l'homme, c'est un être multidimensionnel. L'homme est habité, soit par son esprit, soit par un monde parallèle. Okay, l'homme planétaire. Soit par un autre monde parallèle. L'homme planétaire. L'homme planétaire. Ben, c'est moi, je parle de... Parfait, non, je c'est surtout celui-là qui m'intéresse, ceux qui sont dans la salle ici, là, qu'on voit avec nos yeux, là, OK? Bon. Alors, on est habité. Vous êtes habité. L'homme n'a pas de libre arbitre. Bon. Alors, si il peut être habité par un égrégore, il peut être habité par une entité, il peut être habité par son esprit, et souvent, ça peut alterner. Pas alterner comme ça, parce que quand tu es habité par une entité, habituellement, tu es réellement pogné. Est-ce qu'il peut être habité par d'autres choses que ces trois choses-là dont je viens de mentionner? Il est habité par toutes ses mémoires incarnationnelles. OK. Hein? Il peut être habité par des interventions extraterrestres. Qui sont de quelles sources? De plusieurs sources. Si on parle de l'animal humain, ça veut dire l'ensemble des humains sur la planète, quand il y a des interventions intra ou extraterrestres, la source reste extrêmement locale. C'est une source suffisamment matérielle, puis c'est une source d'individus capables de contrôler les mécaniques astrales, puis de venir faire des corrections selon leurs propres tendances. Puis il y a une espèce de guerre qui se fait entre eux autres, les maîtres du monde. Mais grosso modo, la souffrance de l'être humain nourrit les égrégores, nourrit les extra, puis les intra, puis les maîtres du monde. Donc, tout le monde est bien heureux là-dedans. Et il peut y avoir ceux-là. Et puis, de temps en temps, l'être humain peut être totalement possédé par une source de lumière qui provient du plan bouddhique, de l'amour gratuit. C'est rare, c'est dangereux pour l'humain. Parce que l'humain qui est possédé par ça n'a pas d'intelligence, n'a presque pas de mental, puis c'est un être humain qui ressemble encore aux individus paradisiés, c'est un être humain qui va se mettre le feu sur lui pour protester contre une affaire, là, puis ça, bon, comment. Alors, c'est pas... Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre contexte planétaire étant tellement débile que pour être efficace dessus, il faut être constitué comme on l'est. Mais la problématique, c'est que notre constitution actuelle permet l'engendrement de la souffrance, parce qu'on ne peut pas avancer assez rapidement. Tu avances un point, mais tu ne changes pas tout, parce que tu dois conserver ton efficacité qui te permet d'être là. Parce que tu ne changes pas tout, tu souffres automatiquement. Puis la souffrance va faire en sorte que tu arrêtes de changer, ce qui, dans certains cas, c'est ce que ça va donner. Puis comme le changement est fort à cause de l'expérience, la souffrance va donc surtout faire en sorte que tu vas changer un autre morceau, puis un autre morceau. Un autre morceau, à un point tel qu'à un moment donné, tu veux même changer le voisin, ton frère, ta soeur, tes enfants, tes parents. Il faut que tu changes tous les morceaux qui entourent ta vie événementielle pour éliminer la souffrance. Mais l'expérience faisant que ta vie événementielle croît ça en même temps que le temps, bien, finalement, tu n'en sors pas au niveau de la souffrance. Alors, jusqu'au jour, évidemment, où tu arrives à te centrer. Ça, on va en reparler. Lorsque tu te centres, à ce moment-là, tu es habité par qui? Lorsque tu te centres, tu es habité... Non. C'est ça, ça se dit bien mal. Lorsque tu te centres, l'homme est habité par un contexte énergétique Oui, supramental, tiens. Ils sont doubles. Ouais. Ils sont doubles. Okay. Mais là, ce qui va arriver, il y a un maudit problème. Parce que France, c'est pas fini, rendu dans l'autre. Le réceptacle, dans le cerveau de l'homme, il y a un réceptacle. Ouais. OK. L'homme, c'est comme une radio. Il prend des ondes. C'est le même réceptacle qui est utilisé soit par l'entité, soit par l'égrégore, soit par son esprit, soit par son double. Non. C'est pas le même. Non. On va okay. dessiner ça. Alors, on a ici le haut-parleur, qui est l'endroit dans lequel, l'endroit dans lequel rentre l'information. Ça veut dire de l'information astrale, c'est la conscience mémorielle de l'homme. OK? Bon. Alors, ici, on a un ajusteur, par exemple, un ajusteur psychologique, qui est normalement l'intellect. À partir de là, ici, on a de l'information qui provient du monde astral. On a de l'information d'un autre canal ici qui provient du plan mental. On a de l'information d'un autre canal qui provient du plan supramental, donc de l'intelligence. Ce canal-là ici, on a vu qu'il peut être relié, puis il peut être arnaqué. D'ailleurs, tous les canaux peuvent l'être à des plans différents. Mais le canal de l'ajusteur de pensée qui est relié au plan supramental peut être relié à des arnaqueurs dans l'intelligence qui, eux, vont pirater l'information supramentale, puis ce qui fait que tu es sûr que c'est de l'intelligence. Parce que tu es capable, dans ta subtilité, de traverser, de transcender le plan de l'intellect, tu es capable de te rendre compte que ça vient du plan supramental. Tu sais que c'est supramental, tu es sûr que c'est correct, on te fourre encore là-dessus, tu as des arnaqueurs. Mais l'être humain conventionnel, lui, puis donc la majorité des conscientisés transitifs, c'est la même chose, l'être humain conventionnel, lui, c'est tout ce qu'il peut décoder présentement, c'est le canal qui amène l'information du bloc ici, donc de l'intellect, à sa conscience mémorielle. Donc, lui va dire, quand j'ai de l'information astrale, ça goûte bleu. Quand j'ai de l'information mentale, bien, ça goûte bleu. Puis quand j'ai de l'information supramentale, bien, ça goûte bleu. Alors, lorsqu'on leur dit à ces gens-là, qui sont uniquement capables de percevoir à partir du canal ici, entre le contexte intellectuel et leur conscience mémorielle, on leur dit, développez votre discernement. Qu'est-ce que ça veut dire avec un tableau comme ça, développer le discernement? Ça veut dire que tu dois cesser de centrer ta gustation de l'information entre l'intellect et le plan de ta conscience mémorielle. Ça veut dire que l'individu doit cesser de détecter la saveur de son information entre la jouissance qu'il a de le savoir puis l'analyse logique quand il l'a reçu. Quand c'est entre ça qu'il détecte, il détecte entre le plan de l'intellect puis sa conscience mémorielle. Alors, il y a une information qui rentre, puis là, il se met à triper, puis après ça, il essaie de discerner. Il discerne ici, il ne pourra jamais discerner, ça aura toujours la même saveur. Les différences de saveur ne seront pas des différences de saveur, ça va être des différences de forme. Autrement dit, ça goûte bleu, mais la forme, elle est carrée. Ça goûte bleu, la forme, elle est triangulaire. Ce que je veux dire, c'est que l'information aura une nature mentale, donc ça sera triangulaire, c'est-à-dire que l'individu va savoir que c'est mental, mais la saveur sera la même chose, c'est le même gâteau. C'est un gâteau banane qui goûte les bananes, que le gâteau soit rond, triangulaire ou carré, ça goûte les bananes. Mais quand c'est carré, c'est l'astral qui lui présente, mais parce que l'être humain va dire, ça c'est astral, mais sa saveur énergétique reste banane. Quand c'est triangulaire, il peut dire, il me semble que ça c'est intellectuel, c'est mental, mais la saveur énergétique restera banane au niveau de son discernement. Parce que l'être humain n'est pas que l'être humain présentement se fie beaucoup plus à la résonance énergétique de ses corps planétaires, ça veut dire qu'il va se fier beaucoup plus à ce qu'il va vibrer quand il va recevoir l'information, donc la saveur banane, qu'à la forme de l'information reçue. Puis ça, l'humain est bien mal pris là-dedans. Je vais vous donner un exemple. Vous estimez, par exemple, on prend le tirage de l'auto 649. Vous évaluez que tel chiffre sont probablement des chiffres qui peuvent vous permettre de remporter 5 sur 6 en montant. Puis immédiatement, quand vous les avez écrits, là, vous sentez une joie vous envahir, vous sentez un petit quelque chose. Sachez que ça, c'est bon pour les poubelles. Sauf que l'être humain, du moment qu'il se sent envahi par ça, il est sûr que c'est bon. Et c'est le problème, c'est que l'humain va détecter banane. Et plus ça va être puissant à la saveur banane, plus il va être certain que l'intuition est bonne. De temps en temps, l'astral t'amène une intuition qui est bonne. Bien, ça fonctionne, sauf que ça reste banane. L'être humain, quand moi je parle de développer son discernement, Ça veut dire énergétiquement être capable de progressivement aller fouiller au niveau des canaux d'entrée d'information. Donc, minimum au niveau du plan intellectuel, c'est-à-dire que c'est au niveau du plan intellectuel que tu regardes la saveur que tu as dans l'intellect. Maintenant, pour la majorité des humains, parce que là, ce que je vous dis là, c'est impalpable, hein? La saveur de l'information au niveau de ton intellect, c'est quoi? Si je dis la saveur de l'information au niveau du plan astral, on peut donner des exemples. Tu as une vibration dans la colonne vertébrale, tu as une transpiration, tu as une accélération cardiaque, tu as une rougeur, tu as un gargouillis intestinal. Bon, il y a des choses. Tu as une joie, donc une sécrétion endocrinienne. Quand c'est au niveau de l'intellect, tu n'auras rien de ça. Pourquoi? Parce que tu interceptes l'information avant qu'elle arrive au niveau de la conscience astrale. Tu l'interceptes, puis là, tu analyses d'où, quelle est sa source, d'où est sa provenance. Mais ce n'est pas encore rendu ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras la capacité d'analyser l'information. C'est astral, c'est mental, c'est supramental, mais tu n'as pas encore de gargouille, tu n'as rien au niveau du corps physique parce que ce n'est pas au niveau de ta conscience. Mais pour ce faire, tu dois être vivant. Ça veut dire que tu dois totalement être déconnecté dans l'expression avec tes corps inférieurs, c'est-à-dire avec le corps astral, le corps vital, le corps physique. Le corps mental va rester en opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'information, tu as tout clairement, mais il ne se passe encore rien au niveau de ton corps physique. À foutrement rien. Et là, de l'extérieur, on dirait encore un maître, parce que crime, tu viens de me sortir tous les chiffres, t'es sûr que c'est le gagnant? Oui, c'est les gagnants. Mais tu es encore dans le même contact, tu vois encore tes chiffres, tu analyses. Là, tu es toujours là. Il ne s'est rien passé encore en bas. Là, tu es en train, là, tu viens d'acquérir un discernement, c'est-à-dire que tu es rendu au niveau où là, tu vas pouvoir développer le discernement de d'où vient la source. La source peut être piratée, là, mais au minimum, c'est toujours un pas de fait. Et là, tu pourras savoir... Est-ce qu'à ce moment-là, tu pourras avoir sorti de ton corps physique, vu qu'il n'y a pas tu de... Tu es très souvent, tu es vivant, mais effectivement, tu es vivant non efficace. Donc, ça se rapproche de ce que tu dis, c'est que tu es vivant, mais moi, je peux arriver puis te pousser, puis tu ne me percevras pas nécessairement arriver. Si j'ai un couteau, tu ne me percevras pas nécessairement arriver. Puis si je te pousse le moindrement, je peux te débrancher au complet, te déstabiliser au complet, tu te ramasses dans tes corps inférieurs. Puis là, ce qui va arriver, c'est que toute l'énergie que tu avais commencé à accumuler va descendre dans tes corps inférieurs. Puis ce qui va arriver, c'est que tu es tout relax, tu es tout calme, tu es en train de voir les chiffres, je te bouscule, là tu vas faire « Oh maudit! » Mais là, il y a un immense paquet d'énergie au niveau du plan astral qui va s'exprimer de tous les côtés, ça va jaillir. Fait que tu vas ressembler à un gars qui est en colère, tu vas avoir un ego immense, il est bourré d'énergie, puis il va falloir que ça sorte, que ça s'exprime pour que tu te rééquilibres, si tu étais bien branché. Donc, tu ressembles effectivement à quelqu'un qui est sorti en astral, en réalité, tu es vivant, mais tu viens de déconnecter les canaux qui t'amenaient à tes plans inférieurs. Donc, effectivement, tu auras l'air d'un gars mort, parce que les yeux sont bizarres, le gars ne bouge pas, mais il travaille totalement au niveau de sa tête, mais la personne est totalement vivante. Ça, c'est important, donc, de conserver le caractère vivant au niveau d'intellect rendu à ce niveau-là. Maintenant, là, tu as la capacité de savoir lequel de tes canaux est en opération. Le gros problème, c'est que les trois canaux peuvent être opérationnels en même temps. OK? Pourquoi? Parce que l'information arrive ici, puis il y a une régurgitation qui va se faire, un retour de soupape, il manque des soupapes. C'est que l'information, disons qu'elle provient du plan supramental, elle descend au niveau du cortex, au niveau du plan mental, puis il y a de l'information ici qui va lentement remonter à travers le canal ici pour informer le mental. Puis il y a de lentement de l'information qui remonte à travers le canal astral pour informer l'astral. C'est pas ton ego. Ton ego ne te voit pas au courant. Ce n'est pas ton intellect. Ton intellect est maintenant sous le joug de ta conscience. En tant qu'être vivant, l'intellect n'est pas au courant. Mais ce qui va arriver, c'est que parce qu'il y a une régurgitation, un retour qui se fait dans les deux autres canaux en disant que c'est le plan supramental, si c'est le plan mental, ça vient le plan astral, ça ne remonte pas le plan supramental. Puis si c'est le plan astral, ça ne remonte jamais le plan mental, jamais le plan supramental. Donc, quand c'est uniquement astral, c'est facile à décoder. Quand c'est uniquement astral, l'individu qui est ici observe, il va se rendre compte consciemment, instantanément, il n'y a pas de, c'est une question d'initiation, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de mot pour le désigner, mais tu sais que c'est astral parce que ton analyse ici va faire en sorte que tu vas te rendre compte de l'inesthétisme, de l'illogisme, tu vas être capable de savoir que c'est astral, mais l'expérience humaine du discernement au niveau du mental va lui amener ça. Ça ne s'enseigne pas comme ça littéralement. Souvent, on a eu connaissance d'informations de l'éther, d'informations de sa source, puis c'était illogique. Oui, mais il faut faire attention. Je continue. Là, quand je parle, c'est uniquement astral, c'est facile à discerner. Quand c'est mental et astral, Le mental analakashique planétaire, entre autres, l'astral, tout l'astral intérieur. Alors là, tu auras de l'information, par exemple, de tes chiffres de loterie, mais tu te rends compte que c'est le 2, le 8, le 7, le 6, le ça, le 9. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'on t'a donné un chiffre à l'envers des autres, ou tu vas simplement savoir que c'est pas ça. On finit par le savoir. Mais là, ce qui va arriver, c'est que si le mental va voir au niveau des annales akashiques pour aller lire le journal de demain matin, parce que l'avenir, c'est en mémoire aussi, l'astral, lui, fait son travail il ramasse des chiffres que les gens voulaient avoir, probablement. Bon. Puis ce qui va arriver, c'est que tu as l'information du plan mental, tu as l'information du plan astral, puis les deux informations viennent se juxtaposer. Si la saveur ici est différente, c'est plus banane, pour les deux, tu auras pomme, tu auras banane, puis tu auras orange. Sauf que le problème qu'il va y avoir, c'est comme tu as de l'information de deux sources en même temps, selon ton inexpérience, tu auras l'impression, tu vas mélanger les deux sources. Mélangeant les deux sources, tu auras l'impression que ce qui t'est au niveau du plan mental est illogique. Tu auras de la difficulté ici à voir la logique parce qu'on te pille. Alors l'humain va devoir augmenter son taux vibratoire pour se déconnecter du plan astral complètement. Augmenter son taux vibratoire encore un peu. Ça, on pourra reparler de comment ça se fait. L'humain va se déconnecter du plan astral, donc il va lui rester que le plan mental. Si l'humain a un contact supramental, il va donc aller ici nourrir, il va donc colorer les deux plans ici. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ça qui est le problème. Le contact du plan supramental, ce qui arrive pour la majorité des gens qui se conscientisent, c'est que ça nourrit le plan mental, puis ça nourrit le plan astral. Pas le tien, on parle de vous planétaire. Mais là, ce qui va arriver, c'est que parce que le plan astral est au courant d'informations que tu as, il va la colorer. Puis il va t'en rendre, il va te la retourner. Et là, tu as de l'information, toi, de « lève-toi », tu vas voir ici « lève-toi et mouche-toi ». Là, tu as l'information au niveau de ta conscience qui est « lève-toi et mouche-toi », puis la logique là-dedans est compliquée. Tu n'as pas de raison de te moucher. Et là, au niveau du plan mental, ça va être la même chose ici. Lui, il va commencer à faire de la logifération. Lui, il va t'amener l'information en te disant « écoute, oui, il faut que tu te mouches parce que c'est uniquement parce qu'on veut savoir si tu as la capacité de nous écouter ». Fait que là, on vient de logiférer la bebelle. Mais ça n'a rien à voir, c'est lève-toi, l'information source. Ici, on va t'expliquer pourquoi toute la mécanique mélangée. Puis l'astral va venir te rendre incohérent pour que ta communication supramentale. Maintenant, ce qui est important, donc, c'est que tu hausses encore ton taux vibratoire pour te déconnecter du plan mental, pour te déconnecter, évidemment, du plan astral. Et là, tu auras de l'information qui va passer directement. Et là, tu sauras qu'elle est correcte, et là, tu vas la libérer. Mais c'est encore un problème. L'information qu'on a correcte présentement, en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est le cas des initiés, c'est que l'information, quand elle est pure, on n'est pas encore capable de la libérer complètement pour qu'elle descende dans le contexte planétaire. Pas encore tout à fait. Parce que chaque fois qu'on ouvre la vanne ici, toute l'astralité qui nous habite encore remonte, même chose qu'ici, ça remonte, puis ça force l'ouverture des canaux astralo-mentales. Donc, chaque fois qu'on a une information totalement pure, comme tout à l'heure, tu as dit plein de choses. Pendant que je t'écoutais, je t'ai branché au maximum, puis c'est génial ce que j'ai vu, ce que j'ai su. Maintenant, si je te dis, si tu me dis, parle-moi-en, pour la faire descendre ici, il y aura, veut pas, des colorations, puis souvent, je serais même conscient des colorations. Mais là, à un moment donné, tu vas dire, oui, mais ôte la coloration. Je vais essayer de l'ôter, comme de temps en temps, quand tu viens pour dire une chose, puis que tu ne peux plus le dire. Tu n'as plus le mot. C'est qu'en réalité, tu as trop de mots. C'est tout, il n'y a plus rien, ça n'a plus de valeur. Les canaux sont ouverts. Alors, à un moment donné, tu me dirais, oui, mais sois plus clair. Je sais que c'est pas ça, je me comprends, et je peux pas dire mieux présentement. Il y a trop de coloration. Le moindrement qu'on commence, les initiants, ce problème-là présentement, sauf si on devient extraordinairement énergétique, donc totalement supramental. Puis si on est totalement supramental, on devient presque violent pour l'humain en bas. C'est dangereux pour nos corps inférieurs. C'est dangereux pour les égos des individus, c'est sûr que dans ton énergie, tu es capable de les récupérer et de les supporter. Mais veux, veux pas, c'est dangereux quand même pour les corps inférieurs. Donc, tu le fais pas. Enfin, moi, mon cas, moi, j'aime bien avancer sans trop souffrir. Donc, je le fais pas. Alors, l'individu devra pratiquer ça. C'est ce qui arrive dans le problème présentement au niveau du discernement, c'est que l'individu discerne uniquement au niveau du canal entre plan mental et plan des corps inférieurs, plan astral. Ça goûte banane, puis il sait pas. Quand il va fouiller en haut, s'il ferme pas ses canaux, ben, il sait que c'est supramental, mais finalement, il y a peut-être tu vois la chose clairement, quand je parle tu vois, c'est pas nécessaire de visionner, là. Mais tu sais la chose clairement, puis c'est flou, puis c'est clair, puis ça s'en va, puis c'est clair, puis c'est pas ça, puis tu l'ouvres, puis tu le perds, puis ben, c'est ça, c'est mélangé avec les deux autres canaux. Là, il faut aussi ton taux vibratoire, couper lui, puis couper l'autre, puis rester branché uniquement à celui-là. Après ça, il va rester le problème des arnaqueurs, mais entre toi et moi, t'es piraté de 150 manières, qu'être en R545, j'ai déjà monté. C'est ça fait tout du sens ce que tu dis. On le suit, là. C'est merveilleux. Bon. Mais comment appliquer ça intégralement? Comme que tu dis, tu hausses ton taux vibratoire. Quand tu es tout seul chez vous, comment est-ce que tu hausses ton taux vibratoire pour te disconnecter du canal astral pour aller te reconnecter dans le mental? Bon, on fait une petite pause. On fait une petite pause, oui. Et tu te rappelles de ta question? Puis on continue avec. Bien, vu qu'elle est posée, toi, tu devrais t'en rappeler. Moi, je vais l'oublier.